عيني حالك ولا نبقي نعود كيفك نبقي نعام ونتقدم كيف الدنيا ولا حاولت فرصيني على نتباع طريقك لينوط عليك فول خطوة شور شرية أنا ماني كيفك أنا ماني كيفك نشوف العالم ويشوفني نتكلم لوختو يفهمني أنا فيليب حلمي still working for real I know that'll make it crois-moi je m'en fous des critiques أنا فيليب حلمي still working for real I know that'll make it crois-moi je m'en fous des critiques they want me la la they want me I don't know if they know Crois-moi, je m'en fous des critiques This is me, I'm nigga, don't worry De tout ce que tu peux penser Ma yannini N'haqqa l'halm l'abqa n'aïchou We ain't got no trouble if you keep saying no Ila hawl farsin Ahna natba'a triqak Layna wta'liq Fahuwa l'khutwa Shor l'hurriya Ana mani kiva أنا ماني كيفك نشوف العالم ويشوفني ونتكلم لوقته يفهمني أنا فيليب حلمي still working for real I know that'll make it crois-moi je m'en fous des critiques أنا فيليب حلمي still working for real I know that'll make it crois-moi je m'en fous des critiques They want me la la On parle de culture et de mode et de puritanisme On parle de rêves purils et de petits caprices Exorcise le gosse, savoir qui nous séduise J'ai fait le tour de ce petit monde Où l'on traite de vous tous ceux qui sur les ondes Passent leur temps à créer et à casser des codes Avec l'arsenal dans ses phallopodes Les clubs à bois et la caravane passe Laisse-nous planer dans nos vaisseaux spatiaux Avec ou sans les critiques, on avance Avec ou sans les sceptiques, yeah On avance, on avance On avance, on avance sans perdre patience Sans perdre patience On avance, on avance, on avance avec confiance Avec confiance I'm Philip Hellier, still working for real